mais on a travaillé l'autre mois de montagne, on travaillait qu'au synthétique. La soie, c'était fini. C'était fini parce que la soie, elle a fini. Peut-être quand je suis rentré, là où il y avait l'écomusée, ils en faisaient peut-être un peu en bas. Là où il y a l'écomusée, un peu de soie, mais très peu parce qu'après, ils ont tout. Et puis, ils ont tout monté de nouvelles machines. Et quand vous êtes arrivé à l'usine, il y avait combien d'ouvriers, d'ouvrières? Oh, on devait être une bonne centaine. Là, le plus fort, c'était en 74. Hein. Ici, au Pont de Verrières, on avait voté pour le comité d'établissement. Il fallait voter pour le comité d'établissement parce qu'il fallait des délégués et tout. Et bien, il y avait les cadres, ceux qui travaillaient au bureau, les contremaîtres et gouvernantes, et les ouvriers, on était 140 sur 7, les deux groupes. En 74, 146 ou 7 146 ou 7. Et ils avaient plusieurs usines, le Pantouin, ils étaient montés à 400 ouvriers. Sur l'ensemble des usines Pantouin. Oui, parce qu'ils en avaient une à Montposa, une à Saint-Pierre-de-Colombier, ça fait 2, une à Meyrat, ça fait 3, celle du Pont de Verrières 4, à Tueil 5, au Perdu 6, à Salindre 7, et à Prades ils avaient à l'époque. Ils en avaient 8. 8 Pantouin. Ouais. Mais à Burzé, il y en avait bien. Non, mais c'était les autres Pantouin, c'était des cousins. C'était des cousins. Autrement, je veux dire, l'entreprise Jean Pantouin, ouais. Il avait. Puis après ça, il a mis Veritex et actuellement il a mis Itex. Autrement, ça a tourné JPAC, Jean Pantouin et compagnie pendant X temps. Oui, c'était important. Et ça se répartissait comment entre ouvriers, ouvrières, hommes, femmes, là, sur les 146 Oui, on s'entendait tous. Il y avait des fois des coups de gueule, mais enfin, c'était rare. Des fois, on se traitait de tous les noms d'oiseaux sur le coup de dire, puis 10 minutes après, on était d'accord. Comme partout. Il y avait plus de femmes que d'hommes ou... Ah oui, tout le temps, il y avait plus de femmes que d'hommes. Beaucoup. Ouais. Beaucoup plus. Ah oui, oui. Pourquoi il y avait beaucoup de femmes. Bonjour. La sœur de ces deux messieurs. Ouais, je le connais. Ah, vous connaissez. Bonjour, ma cousine. Mmh. Bonjour. Bonjour. Vous voulez avec nous, Michel est en train de nous raconter ses souvenirs à l'usine. Ah. Mais aussi, elle a travaillé, elle aussi. Ah oui. Vous avez travaillé aussi. Elle a connu ça, elle aussi. Elle a travaillé 4 ou 5 ans. 4 ou 5 ans. À l'usine. Entre 62 et 66.